l'agence de presse TASS de Russie, l'agence de presse Shinvel, le réseau Shinvel, l'agence de presse Gyodo du Japon ont rapporté le 2 novembre la réponse du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères à la question d'un correspondant de l'agence Télégraphie centrale de Corée accusant le sous-secrétaire d'État américain des calomnies contre le renforcement de notre dissuasion nucléaire autodéfensive.